Je voulais faire carrière dans la chanson, mais non, ma mère, c'est bien trop con. Je rêvais de chanter, je le voulais, envie de m'exprimer. C'était mon souhait, faire entendre ma voix, c'était merveilleux pour moi. Fa la fa la sol sol sol sol la sol fa sol la fa fa la fa la fa la sol si si si si la sol fa. Pas plus haute que trois pommes, je me produisais. Je chantais pour les hommes sur le chantier. Je ramassais des petits sous pour remplir ma tirelire. Plein de petites pièces à trous, ça me faisait plaisir. Je me sentais exister quand je chantais mes couplets. Fa la fa la fa la sol, sol sol sol la sol fa sol la fa fa la fa la fa la sol si si si si la sol fa. Les années ont passé sur mes envies, j'ai oublié de chanter et d'être en vie. Aujourd'hui je me réveille, je vais me rattraper. Aujourd'hui le soleil pour moi va briller. Aussi qu'un pinson, je chanterai mes chansons. Fa la fa la fa la sol, sol sol sol la sol fa sol la fa fa la fa la fa la sol si si si si la sol fa.